Internationalisation de la recette. Au Brésil, les occasions de divulguer la formule apprise à Rio Grande ont été peu nombreuses. Naturellement, chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai divulgué, oralement ou par lettre, avec l'intention de toucher le plus de personnes possible. Seulement une fois j'ai eu l'occasion de participer, en personne, au programme de Héron d'Oliveira, à la radio indépendante de la GADO. Quoique modeste, la diffusion a eu des répercussions dans les régions de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, au Paraná, à l'accent circonflexe São Paulo et à Minas Gerais, mais de façon réduite. Elle a touché peut-être une personne sur un million. Ce n'est qu'à partir de mai 1991, date à laquelle je me suis établi en Israël, que la formule brésilienne de la préparation à base d'aloès, miel et eau-de-vie, a commencé à devenir universelle. Un véritable saut vers l'internationalisation de la formule s'est effectué presque 3 ans après mon arrivée, suite à une série de guérisons qui se sont vérifiées dans ce pays. Durant cette période, la diffusion de la recette ne s'effectuait encore que par l'intermédiaire de contacts interpersonnels. Au niveau international, la divulgation de la formule a commencé en novembre-décembre 1993, par l'intermédiaire d'une publication dans la revue La Terra Santa, de Vittorio Bosello, OFM, édité en italien, espagnol, avec supplément en portugais, français, anglais et arabe, puis synthétisé par le père Dario Pili, OFM, qui a lui-même bénéficié de la recette. Et a aussi été opéré au Policlinico Gemelli de Rome, où a été aussi opéré le pape Jean-Paul II à plusieurs reprises, pour une tumeur à la gorge et, selon les examens médicaux, il est parfaitement guéri. Attribuant la guérison au bénéfice de la préparation, le père des Pili a rédigé une introduction très sympathique. Cette introduction a servi pour d'autres revues analogues. La recette a fait très rapidement le tour des 5 continents. La nouvelle, étant donné son importance, a été diffusée par d'autres journaux et revues, et aux 4 vents l'annonce s'est répandue, que cette simple préparation, pouvait guérir des tumeurs et d'autres maux. Le tout étant confirmé par des faits. À la suite nous rapporterons quelques témoignages de guérison. Mon service de 4 ans, effectué à la Custodia di Terra Santa en Israël, a commencé le 7 mai 1991. Dans le pays, il est hébraïque parmi les Arabes et les musulmans, on sentait encore la poussière qui avait été soulevée par le conflit engendré par les prétentions de Saddam Hussein sur le Koweït, un conflit entré dans l'histoire avec le nom de guerre du Golfe. Mes supérieurs, après une période d'adaptation d'un mois, ont pris une décision à propos de ma première nomination, ils m'ont destiné au Saint-Sépulcre, qui est considéré le sanctuaire chrétien le plus important du monde, étant donné que c'est en ce lieu que s'est vérifié l'événement historique de la résurrection de Jésus-Christ. À cause de la guerre du Golfe, les pèlerinages se sont réduits au minimum. Mais en temps de paix, il y a affluence de touristes, de pèlerins et de prêtres de l'Occident chrétien, qui rêvent de célébrer, au moins une fois dans leur vie, une messe dans ce sanctuaire. Les frères sacristains ne pouvant faire face seuls à ce flot de pèlerins, ils ont commis une jeune arabe qui s'appelle Issa. Immédiatement après l'afflux de gens, j'ai observé que le jeune disparaît de la sacristie, et rejoint l'hôpital arabe de Jérusalem où il se soumet à des applications dont j'ignore la nature. Les confrères me disent que le garçon a ses jours comptés, il souffre de lymphosarcome au ganglion. Fort des quelques succès obtenus avec l'aloès, je me suis offert de sauver le jeune arabe. Eh bien sachez qu'aujourd'hui il est encore vivant. Les médecins n'ont pas compris, mais qui peut comprendre? Le fait est que le jeune homme vit aujourd'hui sa 25 belle année, et continue à remplir sa mission, très heureux, et toujours au service des pèlerins, qui arrivent jusqu'au Saint-Sépulcre dans l'espoir d'avoir le privilège d'y célébrer une messe ou bien d'y assister. Le deuxième cas, pour lequel je suis intervenu, par ordre chronologique, a été celui du secrétaire de l'école de Terra Santa à Bethléem, Israël. Le 31 août 1991, mes supérieurs ont décidé de me transférer du Saint-Sépulcre, Jérusalem, au berceau de Jésus, Bethléem, en tant que tuteur des étudiants de philosophie et comme enseignant de latin. C'est dans cette communauté que j'ai trouvé le proviseur de l'école en grave difficulté, car son secrétaire se trouvait dans un triste état. Naturellement, j'ai immédiatement offert mon aide. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire la guérison totale du secrétaire, qui vit encore aujourd'hui. Le 12 décembre, j'ai reçu une lettre du père Alvironi Cassi, OFM, directeur du Pontifical Athenaeum Antonianum de Rome, de sa filiale Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, par laquelle il m'informait que père Thomas, un de ses élèves, indien, avait été opéré d'un cancer au cerveau à l'hôpital Adassa de Jérusalem. Des infections mystérieuses se sont succédées, et puis sont apparues d'énormes tumeurs à la tête et au cou, avec perte de pus et de mauvaise odeur, au point d'obliger le malade à prendre ses repas à l'écart de la communauté. Il est évident que j'ai préparé la formule selon la recette. En bref, le jeune indien à la peau basanée, a réussi à passer ses examens de l'année scolaire en cours, et est retourné dans son pays en parfaite santé. J'aimerais reporter en entier, le contenu de la lettre de Père Nicassi. dans la paix attristée qu'il m'avait adressée, je vous en prie, aidez-nous, vous pourriez sentir toute la sollicitude et la préoccupation d'un proviseur pour un de ses disciples. Sœur Muna, libanaise, appartenant aux sœurs de Saint-Joseph, était le proviseur d'une école de filles de Terra Santa, Jérusalem. À l'improviste, elle a été opérée d'un ovaire. Après 2 mois à peine, l'autre ovaire lui a été enlevé. Et après encore moins de 2 mois, les mêmes médecins de l'hôpital Adassa, un des mieux équipés en Israël, lui ont diagnostiqué un énorme cancer à l'utérus. Selon sa famille, il ne lui restait pas plus de 15 jours à vivre. On m'a demandé d'intervenir avec l'ALOS. C'était en 1992. Croyez-moi si vous voulez, mais la sœur vit encore aujourd'hui. Elle effectue des contrôles réguliers à l'hôpital où elle a été opérée. Selon les examens, la religieuse est guérie, mais les médecins ne sont pas capables d'expliquer de quelle façon, cette femme s'en est sortie et a pu reprendre son travail. Effectivement, elle occupe à nouveau son poste de proviseur de l'école. Sœur Myriam, de Bethléem, Palestine, une franciscaine missionnaire de Marie, me prend à l'écart pour me dire qu'elle est préoccupée pour son neveu, un homme de 50 ans environ, atteint d'un cancer à la gorge, opéré, intervention chirurgicale qui a duré 12 heures, en même temps que 3 autres amis palestiniens, à l'hôpital Adassa. Elle insistait pour que je le sauve, disant qu'il avait encore des enfants en bas âge dont il devait s'occuper. Le pire c'est qu'il ne réussissait plus à avaler. J'ai étudié un système pour lui faire avaler la préparation, car c'était le seul moyen pour lui sauver la vie. Après avoir passé les ingrédients au mixeur, j'ai filtré la crème obtenue, afin que les feuilles réduites en poudre n'obstruent pas la canule de la sonde qui servait à l'alimenter. De cette façon, il a ingéré plusieurs flacons. Joyeuse fin, le neveu de la religieuse s'est transféré en Jordanie où il administre des propriétés, et où il conduit une vie parfaitement normale. Ses 3 amis qui ont subi l'opération à la gorge à l'hôpital hébraïque, et n'ont pas utilisé l'ALOS, sont tous décédés, l'un après l'autre. Sœur Myriam habite dans la maison de Saint-Joseph, un sanctuaire à côté de la grotte du lait. À sœur Margherita, italienne, appartenant aux sœurs franciscaines du cœur immaculé de Marie, un cancer du sein avait été diagnostiqué. Elle a suivi un traitement à l'hôpital italien d'Haïfa, Israël. Avertie de son problème, je me suis offert à lui préparer le mélange. Elle l'a pris et elle s'est sentie tellement, bien qu'elle a repris immédiatement son travail. Mais elle ne s'est plus soumise aux examens de contrôle. Elle s'est laissée guider par sa sensation de bien-être, reprenant son travail et l'exerçant exactement comme auparavant. Cependant, dans son corps, le mal ne s'est pas arrêté. À un certain moment le cancer s'est manifesté à nouveau. Même pas un an après, la religieuse a rendu l'âme à Dieu. Ce qui a manqué c'est le support des examens médicaux conjointement à l'emploi de la préparation. Sans contrôle, le cancer est réapparu encore plus violent, et il a fait une autre de ses nombreuses victimes. Sœur Margherita est l'exemple le plus éloquent que la personne malade de cancer doit se soumettre à des contrôles et se soigner, ou bien, à l'ombre de la basilique de la Nativité, à Bethléem, Israël, une femme de religion orthodoxe, âgée de 40 ans environ, mère de famille, était alitée, sans pouvoir bouger, cancer à la colonne. On a demandé mon aide. La femme a pris l'ALOS pendant 1 semaine. Elle s'est levée et a repris ses activités ménagères, refusant, on ne sait pourquoi, de continuer à prendre la préparation. L'inévitable est arrivé, après 4 mois, environ, elle est décédée. Il est évident que dans ce cas, comme dans celui de sœur Margherita, il y a eu défaut de continuité et de persévérance. Mais, il y a des personnes qui veulent mourir. Dans ce cas, aucun médicament ne peut être utile. Pour des situations de ce genre, il faudrait avoir recours à un soutien psychologique, afin de chercher à invertir la tendance ou bien pour donner à la personne de nouvelles raisons de vivre. Seulement ainsi, la guérison pourrait avoir lieu. À l'ombre de l'église du Sacré-Cœur des Pères Salésiens, à Bethléem, Israël, une femme encore jeune a été opérée à l'hôpital Adassa. Plusieurs complications l'ont portée à avoir recours à ma préparation. Après 4 jours de traitement, elle réussissait à aller à la selle. L'ALOS est un laxatif puissant. Il régularise l'intestin. Le cousin du frère Toufik, libanais, un de mes séminaristes, étudiant en philosophie à Bethléem, âgé de 20 ans, était alité dans la maison paternelle, cancer à la colonne vertébrale. Il réussissait à s'asseoir sur son lit si quelqu'un l'aidait, mais ne résistait dans cette position pas plus de 5 minutes. Frère Toufik, qui partait en vacances au terme de l'année scolaire, a emporté dans sa valise un flacon d'ALOS, prêt à être absorbé, confiant de pouvoir aider son cher cousin. Et ainsi fut. Le flacon terminé, le garçon s'est levé et est allé rendre visite à ses parents et à ses amis. Il pouvait à nouveau exercer ses activités. En Jordanie, un garçon atteint d'un cancer au visage, déformé par les traitements auxquels il se soumettait régulièrement aux États-Unis, a pris 3 doses de la préparation. Selon les sœurs de Sainte Dorothée, du séminaire du patriarche latin de Betjala, à côté de Bethléem, il a réussi à guérir et n'a plus effectué ses coûteux voyages à l'étranger. Dans le grand couvent du Saint-Sauveur, siège de la custodia de Terra Santa, travaillait, comme électricien, un homme s'appelant Andrea, très habile, né en ex-Yougoslavie, marié avec une arabe. Après de nombreuses années de travail dans le couvent, les pères ont dû le licencier, contre leur gré, car un cancer diagnostiqué à la prostate, l'anéantissait. Les médecins sont intervenus plusieurs fois, à la fin ils lui ont enlevé les testicules, pour la joie de quelques chats, disait Andrea en plaisantant, afin d'éviter que le mal atteigne le système lymphatique de l'organisme, ce qui aurait signifié la mort certaine. Andrea a vécu sur une chaise roulante, totalement dépendant de sa femme et de ses amis, pendant 6 mois. À ce moment-là, Fra Luis Garcia, intendant du couvent, avec lequel Andrea avait eu des rapports plus fréquents à cause de leurs charges respectives, ému par la guérison de son confrère espagnol Père Carlos, d'une tumeur à la tête, m'a demandé un flacon de la miraculeuse préparation. Le résultat a été des meilleurs, Andrea s'est complètement rétabli. Les confrères qui avaient embauché un autre électricien en pensant qu'Andrea ne se serait plus remis, l'ont perdu au bénéfice des sœurs de Saint-Vincent qui, connaissant sa façon de travailler et sa disponibilité, n'ont pas hésité un instant à l'embaucher. Andrea travaille à la communauté des sœurs à côté de Jaffa Street, à Jérusalem, et il défie toute concurrence. Un des cas les plus connus, au point de dire qu'il a touché le monde entier, et qui a été diffusé par la revue Terra Santa, est assurément le cas de Geraldito, le petit Argentin qui est retourné dans son pays, où il mène aujourd'hui une vie normale, comme tous les autres enfants de son âge. J'ai en mémoire un cas analogue à celui de Geraldito, qui s'est vérifié à Nazareth, Israël. Il s'agit de Soliman, Salomon, atteint lui aussi de leucémie. Selon les médecins, Soliman aurait dû avoir recours à une greffe de la moelle, une greffe impossible par manque de donneurs, car bien qu'il ait eu 2 frères, aucun des 2 n'était compatible. Son père, médecin, profitant de ses liens avec le corps médical, a fait des demandes de donneurs en passant des petites annonces sur les journaux, même aux États-Unis. Lorsque j'ai appris le cas de Soliman, j'ai dit à sa mère Maria, d'une façon provocatrice, que j'espérais qu'on ne trouvât pas de donneur, car s'il utilisait la préparation à base d'aloès, miel et eau de vie, il n'en aurait plus eu besoin. L'enfant a commencé à prendre la préparation il y a plus de 3 ans. Il n'a pris aucun retard à l'école, et a toujours réussi à terminer l'année scolaire. Une année, avant que la famille ne parte en vacances pour l'Italie, sa mère Maria m'a téléphoné, toute heureuse, pour me dire que son fils passait dans la classe supérieure, et était le premier de sa classe. Lui souhaitant de bonnes vacances et un bon retour, j'ai continué à souhaiter qu'on ne trouvât pas de donneur, l'aloès, pris régulièrement de temps en temps, avait préservé la santé de l'enfant. Quittons l'Israël et ses environs, et cherchons d'autres cas de guérison. Une communication téléphonique de Bangkok, Thaïlande, m'informe que le père salésien Don Personini, de Bergame, Italie, missionnaire dans ce pays d'Asie, suite à ce qu'il a lu dans la revue Terra Santa, dernier numéro de 1993, novembre-décembre, a fait demande de l'aloès pour sa mère. Résultat, sa mère est guérie. Son enthousiasme a été tel qu'il a envoyé une personne de confiance à Bethléem, Israël, pour bien identifier la plante, et rapporter la préparation déjà prête, pour un garçon atteint de leucémie. La recette reportée sur la revue, a été transmise à Bergame par le père Personini à sa sœur qui soignait leur mère malade. Le résultat final a été celui à peine décrit, raconté dans une lettre envoyée à Bethléem. Quelques semaines plus tard, un confrère salésien qui avait étudié à Bethléem auprès de l'Institut Théologique International de Cremisan, s'est présenté à moi. Son voyage avait été financé par la famille intéressée au problème. Il avait parcouru une distance de 15 000 km pour apprendre le secret de la potion, et emporté dans sa valise plusieurs doses déjà préparées. Et étant donné que le prêtre exerçait son activité apostolique en Corée, il m'a promis de porter le secret dans ce pays. À son retour, passant par l'Europe, il a fait un saut à Bergame, à l'habitation de la mère du confrère, déjà complètement guéri. Par l'intermédiaire de la rédaction de la revue La Terra Santa, j'ai reçu une lettre en français, dans laquelle on me parlait d'Ala, une petite fille de 12 ans, qui avait été atteinte par les radiations causées par le désastre de Tchernobyl. Après un seul mois de traitement avec la préparation, la petite fille est retournée à Kiev, en Ukraine, parfaitement guérie. Le chemin de la guérison d'Ala est des plus curieux, un oncologue de Moscou, Russie, a envoyé une lettre en France, où Ala se trouvait en vacances, en demandant que la petite soit soignée en utilisant la formule de Père Romano Zago. Comment le médecin était-il venu à connaître la recette? A-t-il appliqué la formule à d'autres victimes de la radioactivité? Pourquoi ne pas l'appliquer à toutes les victimes de Tchernobyl? Rosita G., du canton Tessin, Suisse, à laquelle, selon les médecins, il ne reste plus que 3 mois à vivre, est atteinte d'un cancer au foie, pancréas et vésicules biliaires. Les prévisions étaient qu'à la fin de la maladie, la malade aurait eu des douleurs tellement fortes que ses cris auraient fait fuir tout le monde. Elle a pris plusieurs flacons de la préparation. Elle n'a eu besoin d'aucun analgésique. Elle n'a pris aucun type de médecine chimique. Elle est morte à 80 ans, sans la moindre douleur, consciente et lucide, comme une bougie qui se consume jusqu'à la fin. L'archevêque de Belgrade a écrit à Joséphine en Suisse. À Noël, il ne réussissait même plus à signer les cartes à cause d'un cancer au cerveau. Maintenant, après un traitement avec l'aloès, il a quitté l'hôpital et est allé vivre dans la maison des prêtres âgés. Guéri de la cécité, il réussit à lire le journal. Joséphine reçoit de ses nouvelles écrites par lui-même. Selon le témoignage de sœur Isabelle, les sœurs contemplatives du monastère Notre-Dame de l'Assomption, de Betjemal, à Betchemesh, Israël, n'ont obtenu que des réussites avec les flacons de la préparation envoyés en France et en Belgique, pays d'origine de la plupart d'entre elles. Toutes les doses ont atteint le résultat souhaité à 100%. Aucune n'a failli. Sœur Lisette, de l'église de Santana, de Jérusalem, m'a rendu visite. Son but principal était de me remercier pour la guérison du missionnaire Roland Evanas, des prêtres blancs, atteint d'un cancer au foie. Lorsque les médecins lui avaient annoncé qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre, le missionnaire avait abandonné son poste en Afrique pour mourir dans son pays, la Hollande, voulant ainsi profiter des dernières ressources qu'un pays comme le sien pouvait lui offrir. Sœur Lisette n'a pas su me dire combien de doses avait pris Vanas, mais elle m'a assuré que le missionnaire avait fait bon retour dans le continent africain, où il se trouvait depuis déjà plus d'un an, en parfaite santé. Ida m'appelle du Lido de Venise, Italie. Elle me parle de son beau-frère, Gian Paolo B., mari de sa sœur Silvana, opéré d'un cancer au cervelet. Lors d'une visite de contrôle effectuée par le médecin qui a accompli l'opération, elle a assisté aux plus grandes manifestations de stupeur de la part du chirurgien, incrédule en face du bon résultat d'une intervention aussi délicate. Le médecin a considéré l'état du patient tellement bon, qu'il lui a fixé le prochain examen de contrôle à une distance de 7 mois. Le patient qui auparavant était complètement dépendant, actuellement travaille, conduit sa voiture, mange et dort, en bref, il conduit une vie normale. Quelle ne fut pas ma surprise quand je reçus une communication téléphonique, m'annonçant que tous trois auraient débarqué d'un aéroport d'Haïfa, Israël, à bord de leur propre voiture, conduite par Gian Paolo, pour me faire une visite de remerciement au monastère de la Nativité, là où je me trouvais. Madame Evelyne B., de Florence, Italie, m'informe que sa sœur Teresa, atteinte d'un cancer des os et bloquée sur une chaise roulante, se rend compte, depuis quelque temps, que les forces lui reviennent. Lorsque je suis allé lui rendre visite, en juillet 1995, j'ai trouvé Teresa, dans son rôle de ménagère, qui se déplaçait librement dans sa maison, sans canne, plongée dans ses travaux, avec une bonne mine, souriante et heureuse. La famille, en remerciement pour la guérison obtenue, veut que je lui envoie les mesures du berceau de la mangeoire de Bethléem, parce qu'elle a l'intention de faire faire un berceau en or travaillé, pour l'enfant Jésus de la grotte. Père Vincent Tianello, OFM, l'actuel gardien du couvent de la Flagellation, Jérusalem, Israël, est euphorique. Sa sœur, qui habite à côté de Naples, fait des miracles en appliquant la formule de Padre Romano Zago. Elle a guéri une femme atteinte d'un cancer du cerveau, une autre avec un cancer à la gorge, et un homme avec un cancer des os. Actuellement, elle soigne une petite fille atteinte d'un cancer au cerveau. Communication téléphonique du père de Luciano Monsieur, un bébé de 15 mois. Les médecins ont dit que jusqu'à présent, ils avaient rencontré un seul cas comme le sien, un cas avec une issue négative. Après le traitement, Luciano a été examiné. Selon l'avis de l'équipe médicale, l'enfant ne présentait plus aucune cellule cancérigène. Quand ils ont rapporté le résultat à la mère qui se trouvait dans la chambre de l'enfant, celle-ci n'a pu retenir les larmes de joie devant cette vie qui reprenait. Le père, radieux, m'a assuré qu'il avait mis soigneusement de côté toute la documentation et que celle-ci était à ma disposition. Il a ajouté qu'il ne savait même pas s'il devait y croire, parce que c'était trop beau pour être vrai. Sœur Caria, mère générale des Sœurs du Cœur de Jésus, m'a rendu visite à Bethléem, avec sa secrétaire, me remerciant pour la guérison du cancer du sein. Elle avait reçu, après en avoir fait demande, un flacon de la préparation. Nicole, âgée de 13 ans, résidant aux environs d'Ancône, Italie, est atteinte depuis l'âge de 5 ans, d'un cancer au cerveau. Elle a subi des interventions au Centre Oncologique de Paris, un des plus célèbres au monde. Maintenant la bête a refait apparition, redoublante de furie. Ni cortisone ni morphine ne réussissent à calmer la douleur. L'hypothèse d'une quatrième intervention est impensable. On a eu recours à un flacon d'aloès. L'enfant s'est calmé, elle va en vélo, joue, parle. Cependant, selon les examens, le mal continue encore à se propager dans son organisme. Après avoir pris une deuxième dose, et un autre cycle d'analyse, les résultats de ces examens sont complètement différents, ils ne révèlent plus aucune trace du mal. Une merveille. Carolina, 3 ans, fille de Rita et Paolo, de Florence, Italie, a la leucémie. Bien qu'hospitalisée pour un cycle de chimiothérapie, elle a pris un flacon de la préparation. Les valeurs sont descendues de 70% à 30%. Pour expliquer ces valeurs, les médecins ont dit aux parents, avant le traitement, Dans l'organisme de Carolina, il y avait une espèce de désert, maintenant son organisme présente une vaste flore, dispersée ici et là, et les symptômes du mal apparaissent réduits. Les dernières nouvelles donnent pour sûr que Carolina va bien. En remerciement, Paolo et Rita, contents de la guérison de Caroline, ont pris la décision d'adopter un enfant. Père Lorenzo, au FN conventuel, de Parme, a un cancer au côlon. Les médecins lui ont ouvert le bas-ventre, mais ils n'ont pu rien faire. Avant de refermer, de commun accord, ils ont décidé d'effectuer une ablation du côlon, de façon à lui donner la possibilité de faire, selon ses conditions de récupération, quelques applications de radiothérapie et chimiothérapie, dans le but de lui prolonger la vie. Mais Père Lorenzo a un ange gardien, qui a commencé immédiatement à lui préparer l'ALOS. En bref, 3 mois après l'intervention, les conditions de santé de Père Lorenzo sont tellement bonnes que les médecins qui avaient effectué la première opération ont décidé d'ôter le traitement qu'ils lui avaient appliqué. Ainsi, Père Lorenzo est à nouveau comme Dieu l'a créé. Actuellement, le religieux vit sa 70e année, souriant, heureux, tous le réclament comme confesseur charismatique, et il est très aimé dans son pays. Père Lorenzo est un autre cas connu parmi tant d'autres qui, après avoir subi une ablation du côlon, est retourné à l'état précédent l'intervention. Monsieur Gregorio, de Milan, Italie, a un cancer de 9 cm à la vessie. L'équipe médicale de Com se prépare pour l'intervention. Ôter la vessie ou bien la remplacer par une en plastique, ou encore le laisser sans vessie. L'homme s'effraie et me téléphone, réclamant mon aide. Après un flacon d'aloès, la tumeur passe de 9 cm à 2 cm. Après une deuxième dose, Gregorio n'a plus aucune tumeur. L'équipe médicale de Com est restée sans parole. Gregorio va et vient avec la vessie que Dieu lui a donnée. À la conférence que j'ai tenue à Milan, un dimanche après-midi, Gregorio était là, comte de la vie, on ne peut mieux dire, et était venu témoigner de son aventure. Christophe, âgé de 6 ans, atteint de leucémie, est allé à Bethléem avec ses parents Joachim Eugenio et Fatima pour y passer une visite. Les médecins lui avaient donné seulement 2 mois de vie, mais l'ALOS est intervenue. Avant il était sur une chaise roulante, maintenant il est libre comme l'air et ne dépend de personne. Il traîne un peu la jambe droite. Après la deuxième dose prise à Bethléem, 2 semaines plus tard, son père me téléphone et m'informe que le délai fatal fixé par les médecins est désormais passé. Et en plus, l'enfant ne traîne plus la jambe. Il n'est plus anémique. Le couple essaie de me convaincre à aller au Mozambique et en Afrique du Sud, dans le but de diffuser la formule et de faire du bien aux gens. Joachim Eugenio Ferraz et sa famille habitent à Pretoria. Christophe, avant de rentrer chez lui, m'a fait cadeau d'une montre Seiko, en souvenir, parce que, pour lui, c'est grâce à moi s'il a guéri. En réalité, la guérison est due à l'ALOS et à sa préparation. Madame Myriam, une femme israélite qui habite à Jérusalem, a eu connaissance des effets de l'ALOS. Elle m'a invité chez elle pour que je lui enseigne le secret. Elle a eu la gentillesse de me prêter son tablier, pour que je ne salisse pas mon froc franciscain. Sous ses yeux, j'ai préparé 2 doses, une pour elle et une autre pour son mari. Elle voulait la tester sur elle. Après ce premier flacon, Madame Myriam est devenue la divulgatrice de la préparation parmi ses amis et ses connaissances, aussi bien en Israël qu'en Italie. Elle a éprouvé la joie de guérir de nombreux frères. Madame Myriam, il faut le dire, a une véritable vénération pour les franciscains car, à Assise, du temps de la persécution des juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, le père Riccardo Nicassi a sauvé sa famille en la cachant dans le grenier du couvent, loin des attaques antisémites. Une chose est certaine, la préparation d'ALOS, miel et eau-de-vie circule parmi la population hébraïque. Dans le service de biologie de l'hôpital Hadassa, de Jérusalem, il est possible de faire une cure avec la potion. D'ailleurs, c'est justement là qu'une patiente de l'hôpital, Sœur Muna, a entendu dire de la part des médecins qui la soignaient, mais quelle merveille cette préparation du père Romano F. La même préparation, associée à la boue curative de la mer morte, Sodome et Gomorre, est disponible dans les hôtels spécialisés dans le traitement de certaines maladies de la peau, lupus, psoriasis, etc., considérées inguérissables par la médecine conventionnelle. À l'hôpital Santo Antonio de Porto, Portugal, chaque malade du cancer, s'il le désire, peut avoir à disposition la préparation d'ALOS, miel et eau de vie. La doctoresse Anza Capassi, de Palerme, Sicile, Italie, conseille à tout malade de cancer qui se présente à elle, de prendre avant toute autre thérapie, pendant 1 ou 2 fois, la potion d'ALOS, miel et eau de vie. Elle affirme que jusqu'à maintenant, l'ALOS a toujours produit quelques effets bénéfiques, même si de faible entité, comme par exemple l'atténuation de la douleur. Monsieur Ruggero me téléphone de Ravenne, Italie, le 24 février 1994, en me disant être atteint d'un cancer aux cordes vocales. Il me demande de lui expédier un flacon de la préparation prête à l'emploi. Le flacon lui est expédié en urgence, car sa voix diminue rapidement. Le 20 mai 1994, je reçois avec joie une deuxième communication téléphonique de la part de Monsieur Ruggero, par laquelle il me fait savoir, le plus content du monde, que sa voix est redevenue normale, tout à fait comme avant. Les examens garantissent qu'il n'y a plus de cancer. Sœur Emilia Birk, FDC, de Rio Grande do Sul, qui travaille en Angleterre, m'écrit en me disant que l'enseignante de gymnastique de son école, une jeune fille, a déjà donné sa démission parce que malade de cancer. Je lui ai répondu par retour de courrier de commencer immédiatement le traitement avec la préparation. Il est facile d'imaginer la suite, la jeune enseignante a déjà repris son poste. En juillet 1995, le frère Bernardo Kleiner, OFM, subit une intervention chirurgicale avec amputation de la phalange du deuxième doigt du pied gauche. En novembre de la même année, il perd le premier doigt du même pied. La radiographie met en évidence l'existence d'une ostéomyélite aiguë, aggravée par l'état diabétique du patient. Le 4 janvier 1996, le père supérieur de la province, père Nestor Ignacio Schwirz, est invité à signer un document, pour le compte de l'ordre et de la famille de frère Bernardo, par lequel il donne l'autorisation à l'équipe médicale d'amputer la jambe du frère jusqu'au genou, afin d'éviter la propagation de la gangrène. La zone des interventions précédentes présente une vaste nécrose, avec circulation insuffisante et totale insensibilité. Alors, frère Bernardo mesure 1,93 m, et pèse 77 kg. Toujours pendant la première semaine de janvier 1996, il est demandé à l'équipe médicale d'attendre encore un peu, avant de procéder à l'amputation, et ainsi commence la cure à base d'aloès. Il s'agit d'une cure administrée par voie orale, et par des applications topiques, alternées à des tisanes d'alpiste, des doses de bovin, noyé, artichoé, après les repas, de chlorure de magnésium. À la fin du premier flacon, après 15 jours de traitement, la plaie apparaît réduite de 50%. Maintenant la zone de la première intervention, est à nouveau irriguée par le sang et donc oxygénée. La circulation et la sensibilité sont récupérées. Tout ceci sans avoir eu recours à aucun médicament de synthèse chimique. Le 22 mars 1996, une nouvelle radiographie est effectuée à l'hôpital, Divina Providencia de Porto Alegre. Le docteur Morote Master, interprète l'examen en comparant avec les radiographies précédentes. Son verdict, régression probablement totale des signes d'ostéomyélite au premier métatarse. Autres aspects inchangés. La dernière radiographie, datant du 25 septembre 1996, effectuée dans le même hôpital, et interprétée par le même médecin, dénote, il y a eu une résection du segment distal du 1 degré métatarse. L'œdème des parties molles du pied a régressé. Autres aspects inchangés. Aujourd'hui la plaie n'est autre qu'une cicatrice. À la fin du mois d'octobre, frère Bernardo retourne au couvent et sa accent circonflexo Bonaventura, de Daltrofilo, immigrante, reprenant ses normales activités quotidiennes, après avoir récupéré, en 8 mois de cure avec l'aloès, son poids normal de 95 kg, et avec des valeurs diabétiques de 85-95, quand la valeur maximum tolérée est 110. Antonia 5F Grand Conavicenza, Italie, s'aperçoit que son fils cadet, âgé de 6 ans, est pris subitement de vomissements et de perte de connaissance. Est-ce la manifestation de quelques déséquilibres intérieurs? Matteo a toujours été un enfant normal. Conduit à Vérone, les médecins, après différents examens, ont découvert deux foyers au cerveau et un kyste. Je vous laisse imaginer la préoccupation de la mère. Antonia, de sa propre initiative, a décidé d'administrer la préparation à son fils, de façon pas très rigide car l'enfant fréquente l'école maternelle, il n'y a personne qui peut se charger de lui faire prendre la dose de midi. Après quelques mois de traitement, Antonia retourne à Vérone pour effectuer la visite et les examens de contrôle. Les médecins, stupéfaits, constatent la disparition des deux foyers et du kyste, diagnostic confirmé également, par l'encéphalogramme et par la scanographie. Je pourrais continuer ainsi pendant je ne sais combien de pages. Témoignage après témoignage. Si le lecteur voulait en savoir plus, il pourrait avoir recours aux notes, que j'ai recueillies pendant 4 ans de travail en Israël. Pratiquement tous les jours j'enregistrais un fait nouveau, souvent en reportant aussi le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne guérie. Plante une pousse d'aloe arborescent, en réponse tu auras accès à une pharmacie complète, que le bon Dieu met à ta disposition.